Jah Selassie I, Rastafari, Jésus numéro 9, ok. Propagande légale, si, si, si, si. Jésus numéro 9, c'est du 1-6-0, 2-0-0-8. Ok, TS, ouais. Mon son est dans l'ombre et je prône l'amabilité. J'essaie de rester un petit S, fait l'unanimité. Je respecte les vrais, pas ceux qui glorifient la rue. Dédicace aux frères, je leur dois bien un son qui tue Rasta comme philosophie. Rap conscient pour les écrits de Tiken Agrundation et de Danaki Lakemi. Big up à tous les potos, les root boys, les Rasta, les Sistas et la CIA et à toute la MIFA. Bizarrement c'est un son où je ne descends personne. Contrairement à ces cons qui se croient des bonhommes. Je ne veux pas la réussite ni la reconnaissance, juste que mes musiques représentent la quintessence. Je veux squatter le podium pour des raisons valables. Que tes opinions changent, qu'ils deviennent acceptables. Bousculer le système à coups de rimes rasées. Montrer la vérité car ils nous ont bien baisés. Laisse-nous rêver un peu, on veut refaire le monde. Je veux l'amour et Dieu, qu'on les ait sur commande. Que l'homme se sente bien et que personne n'ait faim. Que l'homme devienne moi et que personne n'ait froid. Qu'il n'y ait plus d'argent, c'est lui qui rend mauvais. Être ami avec le temps, plus anxieux ni stressé. Qu'il n'y ait plus de frontières, que tu sois ici chez moi. Qu'il n'y ait plus de barrières, que je sois ici chez toi. Puisque Dieu le veut, la musique ne voit. Je représenterai mieux. Et comme l'amour est là, contrairement à la loi, remercie la MIFA. Je ne veux plus de président, que personne ne soit supérieur. Plus de dirigeants, donc il n'y ait plus de mentors attardés qui dirigent ta société, de montures obligées qui assument ta société. Je veux une vraie liberté, une vraie égalité, comme une vraie fraternité, pas celle-ci imagée. Je veux que chaque enfant grandisse avec deux parents, pas que certains ne passent des nuits entières en pleurant. Laissez-nous rêver, on veut refaire la terre, bannir tous les fachos, instaurer des prières. On veut un monde plus zen, avec plus de franchise, réaliser nos rêves, on veut le gâteau sur la cerise. On veut des Noëls chaque semaine et de l'amour en boîte. On veut le vrai coup de fou, celui qui donne les moins moites. On ne veut pas l'anarchie mais plus de police. Un monde qui donne la trique avec que des armistices. Puisque Dieu le veut, la musique ne voit. Je représenterai mieux. Et comme l'amour est là, contrairement à la loi, remercie la MIFA. Propagande légale.